Vous écoutez France Culture. Troisième temps de cette semaine de la Fabrique de l'Histoire de l'Art consacrée aux impressionnistes après nous être promenés, c'était lundi, dans l'exposition du musée Marmottan-Monet à Paris, une exposition sur les impressionnistes en privé et leurs collectionneurs, exposition qui débute demain, et y avoir hier réécouté le documentaire de Perrine Kervran et de Séverine Cassard sur le portrait de Zola par Manet. Et avant demain de nous demander ce qu'a été l'héritage des impressionnistes, nous allons ce matin nous demander comment on a écrit sur ces mêmes impressionnistes à l'époque, mais aussi plus récemment, à l'occasion de la publication des cours de Pierre Bourdieu au Collège de France sur Manet, des cours qui ont été publiés dans la collection Raison d'agir, cours et travaux au Seuil. Emmanuel Lemire sera avec nous pour nous lire quelques extraits de textes de Mallarmé, de Jules Laforgue ou encore de Pierre Bourdieu sur les impressionnistes et leur époque, textes choisi par Perrine Kervran, qui a préparé cette semaine avec nous, et des textes qui seront commentés par nos deux invités, Christophe Charles, il est professeur à Paris 1, et il a édité et commenté le texte de Pierre Bourdieu, donc Manet, une révolution symbolique, qui vient de paraître. Et Barbara Boac sera également avec nous, elle est maître de conférence à Lille 3, et auteur d'un livre sur Mallarmé et l'esthétique du quotidien. Voilà un extrait de la bande enregistrée. C'était une bande témoin, pourrait-on dire, du cours de Pierre Bourdieu, donc donné en 1999 au Collège de France et qui a donné l'occasion donc à plusieurs chercheurs, dont vous, Christophe Charles, vous êtes professeur à Paris 1 et vous êtes historien, de rééditer, d'éditer plutôt ce cours de Pierre Bourdieu sur Manet, une révolution symbolique. On entend tout de suite, en saisissant quelques-uns des mots prononcés par Pierre Bourdieu, ce terme qu'il utilise plusieurs fois dans ce cours de bombe symbolique, qui est donc l'œuvre de Manet, donc, et c'est là-dessus qu'il a choisi d'insister quand il a lancé ce cours, donc qui a duré 2 années donc, au Collège de France, Christophe Charles. Oui, c'était un travail qui lui tenait beaucoup à cœur, parce qu'à côté du cours, il faut citer que dans le livre, nous avons aussi publié un manuscrit. Absolument. Inédit, inachevé, mais qui a servi aussi de base au cours. Donc on voit que c'est un travail vraiment qui lui tenait à cœur, puisque en général, il ne passait pas forcément 2 ans sur le même sujet. Et d'autre part, visiblement, il voulait continuer ultérieurement, malheureusement. La mort l'a empêché, mais c'était vraiment une œuvre de longue haleine qu'il avait entreprise depuis les années, fin des années 80, en fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche qu'avait Pierre Bourdieu de Manet, c'est qu'il y voyait, il y faisait, comme souvent Pierre Bourdieu, des rapports entre passé et présent. Il voyait comment le champ, en particulier le champ artistique d'aujourd'hui, la question des avant-gardes, était dynamité, là aussi, par des visions contradictoires, pourrait-on dire, et comment cet exemple de Manet, dans le champ artistique du XIXe siècle, permettait de mieux comprendre ce qu'était justement l'exemple l'explosion des codes qu'avait voulu Manet, explosion des codes des salons bien évidemment, mais tout ce qui tournait autour de cette explosion des codes, Christophe Charles. Oui, je crois que le point de départ de sa réflexion, c'est en fait le contemporain, enfin, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la mise en question de la notion d'avant-garde qui s'est produite au cours des années 80 du XXe siècle. Et du coup, il a eu l'idée comment comprendre pourquoi cette notion qui a quand même structuré toute la conception que nous avons de l'art depuis le XIXe siècle est remise en cause aujourd'hui. Donc il fallait comprendre la genèse de la notion d'avant-garde, la genèse de cette révolution symbolique, pour comprendre pourquoi on est maintenant peut-être dans une phase inverse de régression ou de retour à une vision beaucoup moins avant-gardiste, traditionnelle, conservatrice même. Et réhabilitation d'une peinture académique même, dans certains cas, puisqu'on voit des nouveaux peintres très traditionnels qui font parfois des succès considérables. Donc c'est aussi une réflexion sur le contemporain, ce cours. C'est pas seulement un retour sur le 19e siècle. Oui, Perrine Caron. Oui, puis c'est aussi, Christophe Charles, on le voit quand on lit le cours, comme souvent chez Bourdieu, le souhait de dynamiter aussi de l'intérieur la manière de faire de l'histoire de l'art, la manière de faire de l'histoire. Et c'est vrai que historiens et historiens d'art ne sont pas vraiment ménagés tout au long de ce cours. Et c'est qu'est-ce que la sociologie, qu'est-ce que la méthode de Bourdieu peut apporter à l'histoire de l'art et comment l'histoire de l'art pourrait envisager différemment son approche de Manet. Oui, parce que ce qu'il reproche à l'histoire de l'art, enfin en tout cas sur certains types d'histoire de l'art, c'est l'érudition pour l'érudition, c'est-à-dire on accumule une infinité de détails, on interprète chaque détail d'un tableau, etc. Et puis finalement, on ne resitue pas cela ni dans le contexte plus global, ni dans les grandes transformations de la société, puisque pour Bourdieu, l'art, c'est aussi une façon de voir le monde, une proposition d'interprétation du monde, une situation de l'artiste par rapport à cette société. Et si on ne tient pas compte de tous ces facteurs, on ne peut pas interpréter réellement l'œuvre, on ne fait qu'une lecture érudite et superficielle. Alors, c'est vrai que ce qui était fort intéressant dans cette proposition de Pierre Bourdieu, c'est quand il dit, par exemple, qu'il faut rapatrier l'histoire de l'art dans l'univers des autres disciplines. Il dit cela à plusieurs reprises au cours de ces longs cours donc donnés au Collège de France. Et on voit bien qu'il y a aussi une dimension, alors on a dit cela de l'histoire, vous le savez très bien, Christophe Charles, dimension ogresse, c'est-à-dire cette idée que tout compte fait, la pensée de Pierre Bourdieu, sa pensée sociologique telle qu'il l'a développée, peut aider, comme le disait Perrine, à mieux comprendre des disciplines qui se sont petit à petit émiettées, qui sont devenues parcellaires, histoire de la littérature, histoire de l'art, etc., etc. Et qu'il faut, au contraire, les faire dialoguer entre elles, Christophe Charles. Oui, c'est parce que son analyse, c'est qu'en fait, l'art, maintenant, est devenu un objet sacré. Et l'histoire de l'art est un peu la célébration de cet objet sacré. Et du coup, elle sert à d'autres fins que ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire, elle n'est plus seulement un instrument de connaissance, elle peut être un instrument de construction de réputation, un instrument de glorification de la nation. Enfin, elle a été détournée, finalement, de sa vraie vocation scientifique. Et la sociologie, en lui rappelant que justement, elle a des fonctions sociales qui ne sont pas uniquement celles qu'on lui attribue du fait des pesanteurs institutionnelles, peut retrouver une marge de liberté et avoir une vraie innovation, ce qu'elle n'a pas si elle reste enfermée dans cette vision très conventionnelle. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, on voit qu'à chaque fois, et c'est souvent le cas quand on lit les cours de Bourdieu, c'était déjà le cas sur l'État, c'est qu'en fait, il avance une proposition et il envisage tout de suite la contre-proposition que vont lui faire ceux qui sont ses adversaires potentiels. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de dialoguer avec des gens qui ne sont pas dans la salle, puisqu'il donne un cours au Collège de France, mais qui sont extérieurs à cette salle, en réfléchissant à ce qu'on va lui dire. Par exemple, il dit « Voilà, on va m'accuser de défendre des bourgeois, parce que les impressionnistes, c'était plutôt des gens aisés, et au bout du compte, ils avaient les moyens de tenir, et Manet était donc celui qui avait le plus le moyen de tenir, parce qu'il avait la possibilité d'avoir une certaine force, mais Caillebotte, c'était vrai aussi, ou d'autres. Et donc, alors que ceux qui étaient les opposants à ces impressionnistes, ceux qui défendaient les thèses du salon, par exemple, eh bien, ces gens-là, c'était des gens qui étaient plutôt qui s'étaient élevés progressivement dans la société, qui étaient des peintres, disons, venant des couches les plus basses de la société, les moins bourgeoises. Et donc, d'une certaine façon, je vais défendre l'idée que des révolutionnaires sont des privilégiés, souvent, dit-il, des privilégiés ou des nantis, ce qui va à l'encontre de l'idée que l'on se fait de Bourdieu. Et on voit très bien comment la dialectique de cette proposition, c'est-à-dire le choix entre dire ce qu'il pense, prendre en compte la contradiction qu'on va lui faire, qui n'a pas été faite, et la contredire soi-même, c'était un véritable travail de sa part. Oui, enfin, ce n'était pas complètement absent, puisque vous avez peut-être noté que dans le cours, il demande aux auditeurs de lui poser des questions. Alors ça, c'est très intéressant. Et dans les auditeurs, on sait très bien que dans cette salle, il y avait justement des historiens d'art qui étaient un petit peu hostiles à une vision trop sociologique. Il y avait aussi des artistes qui étaient un peu inquiets qu'on transforme l'art en quelque chose qui peut servir à d'autres fins que l'art lui-même. Enfin, donc, il y a aussi des gens dans la salle qui n'adhèrent pas totalement. Ils sont intéressés par ce qu'il dit, mais qui ne sont pas forcément d'accord. Et dans les questions auxquelles il répond, puisqu'on voit que à chaque début de cours, il répond aux questions qu'on lui a posées, on voit bien qu'il y a des objections assez fortes, et donc il est très conscient que son public n'est pas totalement acquis à ses idées. Alors prenons le premier exemple de ces lectures d'aujourd'hui, donc l'exemple du cours du 10 février 1999, tel qu'il a été retranscrit dans cette transcription de ce cours « Manet, une révolution symbolique ». Donc, Emmanuel Lemire, vous nous lisez un extrait de ce cours du 10 février 1989, c'est le tout début de ce cours. Je vais revenir très vite sur la séance précédente. J'avais réagi un peu vivement à deux lettres que j'avais reçues et je veux dire avec beaucoup d'insistance et très sincèrement que cette réaction un peu vive, que je vais essayer d'expliquer, était en même temps aussi amicale que possible. Qu'aucun d'entre vous n'aille penser que je risque de mal réagir aux objections ou aux critiques et que personne ne s'interdise de réagir à ce que j'ai dit. Je vais expliquer en deux mots pourquoi je suis un peu susceptible et sensible. J'ai réagi un peu vivement parce que, par mon travail, j'ai été amené à étudier beaucoup de choses, mais je n'ai évidemment pas passé ma vie sur Manet, pas plus que sur Flaubert. Et ce que je demande, c'est que l'on m'accorde cette écoute particulière que mérite quelqu'un qui, ayant travaillé sur beaucoup de choses, vient s'occuper d'un objet particulier en y apportant ce qu'il a appris dans d'autres domaines. Autrement dit, il y a des questions qu'on ne peut pas poser aussi longtemps qu'on reste enfermé dans l'univers de questions à l'intérieur duquel elles sont posées. C'est un constat qu'on peut faire aussi bien à travers l'histoire des sciences qu'à travers la sociologie des disciplines d'aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de le dire. Pour prendre acte de ce constat et lui donner effet, il faut transgresser les frontières disciplinaires et aller chercher dans une autre discipline des choses que ceux qui sont occupés à chercher dans leur discipline n'y trouvent pas parce qu'ils ne les cherchent pas. Par exemple, aujourd'hui, j'insisterai sur le fait qu'on ne peut pas comprendre la révolution opérée par Manet sans faire une sorte de sociologie du système d'éducation dans lequel il était pris et que par son action, il a profondément bouleversé. Ce que je dis là est important du point de vue de l'histoire de l'art, mais rapatrier l'histoire de l'art dans l'univers d'autres disciplines, au lieu de la laisser enfermée dans ses propres traditions, est aussi important pour ces disciplines. Je ne dis pas que Manet est un prétexte, mais il est pour moi une occasion d'étudier une révolution symbolique. L'intention initiale de mon propos était, à travers l'analyse de Manet, de comprendre la logique spécifique sur un cas très bien documenté de ces révolutions qui changent la vision du monde. Cet extrait du cours du 10 février 1999 au Collège de France, donc dans le cours de Pierre Bourdieu sur Manet, Perrine Carbrand. Oui, un Christophe Charles, ce qui est émouvant quand on entend ça ou quand on lit ce cours, c'est la façon que Bourdieu a de toujours avoir peur d'être mal compris. Il reprécise sa pensée toujours, il dit attention, je sais pas, je dis pas ça, il faut pas penser que je pense ça. Et il y a aussi cette idée qu'il a d'expliquer que finalement, ce qu'il veut faire, c'est démystifier Manet, le sortir de l'idée du piège dans lequel en fait on l'a enfermé, de sa singularité, de l'unicité de l'artiste, de son talent qui serait inné, et dit mais pour qu'on l'aime mieux. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il ne se départ pas non plus complètement de sa sensibilité, Bourdieu, quand il fait ce cours, et on sent qu'avant tout, il aime aussi Manet. Oui, ça, c'est d'ailleurs parfois ce que je lui reprochais, c'est que il y a aussi sensible. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi d'autres peintres, à mon avis, qui pouvaient être utilisés pour son travail et pour sa démonstration, et qu'en focalisant uniquement sur Manet, finalement, peut-être on le resacralise d'une autre façon. Donc c'est peut-être un peu parfois contradictoire avec l'ambition de décrypter de cette révolution symbolique. Oui, il avait un goût particulier pour Manet, il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, et quand il commente certains tableaux, on voit bien que ce c'est pas simplement un regard de sociologue ou un regard d'historien, mais c'est effectivement aussi quelqu'un qui est touché plus par sa peinture que par d'autres. Mais justement, c'est peut-être pas ça qui est intéressant, parce que là, on retombe un peu dans ce qui a été aussi une des grandes traditions, puisque c'est le thème de l'émission, de la littérature sur l'art, c'est-à-dire... On a toute une série de grands écrivains qui ont écrit sur des grands peintres et qui, évidemment, se projettent sur ces peintres et, finalement, attribuent peut-être aux peintres leur propre sensibilité sans tenir compte, évidemment, de la distance ou de la spécificité. Et donc, là, je pense que c'est intéressant pour comprendre la personnalité de Bourdieu, mais c'est peut-être pas intéressant pour comprendre son projet intellectuel en lui-même, il me semble. Une des questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, on voit bien qu'il met à distance l'objet, que de temps en temps, il se réchauffe, cet objet... Mais ça, c'est naturel. En tant qu'historien, vous connaissez cela aussi. Mais à un moment ou à un autre, il dit, est-ce que Manet n'est pas la plus grande révolution artistique de toute l'histoire de l'art? Alors, on se dit, là, c'est étonnant, parce qu'on a travaillé récemment avec Perrine sur la Renaissance, on a travaillé sur d'autres périodes, évidemment, de l'histoire de l'art, et on se dit, qu'est-ce qui fait que Pierre Bourdieu peut penser justement que après, avec tous les outils qui sont les siens, qui sont les outils qu'il a été chercher dans d'autres disciplines, mais également dans la sociologie telle qu'il a pratiquée, eh bien, c'est la plus grande révolution de l'histoire de l'art, Christophe Charles. Je pense que ces passages-là sont peut-être pas ce qui traduit le mieux son analyse, parce qu'il y a d'autres passages où il dit qu'il ne faut pas attribuer tout à Manet, il y a tout un contexte général sans lequel, de toute façon, Manet n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Il y a des conditions de possibilité de l'individu Manet, donc quand il fait toute l'histoire biographique de la famille de Manet, des relations qui ont permis à Manet effectivement de tenir et d'avoir quand même un public malgré l'hostilité générale. Donc tout ça, on voit bien que c'est des facteurs sur lesquels Manet n'est pas à mettre, c'est des conditions générales. Et c'est pareil pour d'autres peintres. Donc, du coup, là, ça enlève la singularité. Non, la singularité de Manet, je crois, c'est qu'effectivement, il a capitalisé toute une accumulation de ruptures antérieures. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le rôle du romantisme, le rôle de la peinture anglaise qui est connue en France à travers Turner, etc. Le rôle aussi de Courbet. Donc, il y a quand même toutes ces ruptures. Sans ces ruptures préalables, Manet ne serait peut-être pas allé aussi loin. Donc, il faut aussi tenir compte de l'accumulation historique et de l'écoulement du temps historique qui permet d'aller beaucoup plus loin. De même que la Révolution française, on le sait bien, n'a pas à continuer parce qu'il y avait eu avant d'autres choses. Donc. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit combien, par exemple, il insiste sur un domaine qui est difficile à cerner pour l'historien, le malentendu. Il dit, par exemple, certains de ceux qui ont défendu Manet alors que tout le monde le critiquait, par exemple, et qui ont défendu les impressionnistes aussi, l'ont fait pour de mauvaises raisons. Donc, au bout du compte, enfin, en tout cas, ce qui peut nous apparaître comme de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'au bout du compte, soit parce qu'ils étaient pour s'agréger à cette avant-garde dont on ne disait pas encore le nom, soit c'était parce qu'ils voyaient à travers le peintre le républicain, et donc c'était le républicain sous le Second Empire qu'il fallait défendre, etc., etc. Et ça, cette idée du malentendu est une idée formidablement efficiente pour l'historien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment on peut travailler sur cette question du malentendu? Je crois qu'il insiste beaucoup aussi, et ça, c'est ça qui a derrière la notion de révolution symbolique, c'est que l'œil n'est pas identique à travers les périodes. L'œil des gens qui ont vu les premiers Manet n'était pas notre œil. Et justement, c'est parce que nous avons vu bien d'autres tableaux après Manet que nous ne regardons pas Manet comme les gens qui ont vu Manet pour la première fois. Donc, comment se laver de l'idée que le déjeuner sur l'herbe, c'est une boîte de l'époque, c'est simplement le fait qu'ils sont des produits d'une époque et nous, on est des produits d'une autre époque, c'est tout. Mais il n'y a pas à dire que l'un a raison, l'autre a tort. C'est chacun a son cadre de vision. Et avec cette idée que comment laver notre œil du fait que le déjeuner sur l'herbe, c'est une reproduction sur des boîtes à gâteaux. Voilà, maintenant c'est devenu tellement banal que ça devient honteux presque d'en parler. Perrine Caron. Oui, puis ce qui est passionnant, ce que vous avez évoqué, Christophe Charles, dans ce cours, c'est qu'il fait vraiment le détail de tout ce qui a permis cette révolution symbolique, c'est-à-dire à la fois les changements matériels, les changements au sein de l'Académie, le changement du regard de l'État qui autorise un peu, qui ouvre un peu le salon parce qu'il sent qu'il y a une contestation, les changements dans la culture, les changements. Il montre vraiment l'ensemble des choses qui a permis, y compris la culture de Manet, y compris l'éducation de Manet, y compris tout ce qu'il a acquis à travers ses voyages, à travers le bain familial de qualité, et puis ses relations, les endroits qu'il a fréquentés, quelle école, quel lycée, quel groupe. Et c'est vrai qu'avec tout ce panel, on a vraiment la sensation d'avoir toutes les clés pour comprendre comment ça a pu basculer. Oui, enfin, toutes les clés en même temps, il y a non, encore quelques serrures qui résistent. Non, parce que c'est intéressant, comme moi j'ai vu le manuscrit, on voit qu'il y a des couches de texte et il change parfois l'interprétation parce qu'il a lu un nouveau travail d'un nouvel artiste ou d'un nouveau interprète qui modifie la première interprétation. Donc il y a aussi le travail d'accumulation de l'érudition qui modifie aussi les interprétations qu'on peut proposer. Par exemple, il y a un célèbre tableau où Manet a représenté sa famille, qui peut paraître un tableau tout à fait anodin, mais en fait on voit bien que la façon dont il a représenté son père, quand on connaît l'histoire réelle et précise de ce qui s'est passé dans cette famille qui n'est pas totalement conforme à ce que devrait être une famille bourgeoise, on voit bien qu'il y a une volonté de transformer la figure de son père parce qu'il fallait effacer justement ces histoires intimes. Bon, alors on dira que ça n'a aucun intérêt pour l'aspect esthétique, mais ça permet de resituer aussi la relation familiale et pourquoi ce tableau a un rôle important dans la trajectoire de Manet. Ce qui est assez passionnant dans cette lecture du cours de Pierre Bourdieu sur Manet au Collège de France, c'est qu'en fait on voit bien qu'il y a dans la dimension de fini, de non fini, de flou, il y a quelque chose sur lequel travaille Bourdieu. C'est-à-dire il travaille sur cette idée qu'il déteste le « ça me fait penser à ». Par exemple, des historiens d'art, il dit ils se fondent sur rien et disent ben voilà, je vois un tableau, ça me fait penser à, et à partir de ce moment-là, il croit que c'est un lien logique avec une antériorité supposée, une origine supposée. Mais il dit aussi c'est le cela va de soi, c'est-à-dire l'avantage de Manet, c'est qu'il en finit avec le cela va de soi de l'académie, le cela va de soi du salon. Et donc il y a tout un travail sur le fini, le non fini, le flou ou le précis d'une certaine façon, et comment En rajoutant justement du flou, du mal peint, comme on dit des tableaux de Manet lorsqu'ils sont présentés parfois dans des salons, eh bien, au bout du compte, Manet et les impressionnistes vont complètement faire exploser les codes, en l'occurrence, Christophe Charles. Oui, je crois que c'est un moment important à cause de ça, c'est la remise en cause de toutes les règles, et c'est vrai aussi en littérature à la même époque. On pense à Mallarmé, bien sûr, à Baudelaire, au poème en prose. Donc c'est un moment en littérature, en art, et dans beaucoup de domaines où, disons que la culture qui avait été transmise de génération en génération, que ce soit la culture esthétique ou la culture littéraire, est dynamitée par les gens qui sont les porteurs de cette culture et qui sont même les plus à même de la porter, parce que justement ils ont découvert que le monde qui est autour d'eux n'est plus compatible avec ces règles, et que surtout ils revendiquent une certaine liberté qui va de pair avec tout un mouvement de la société globale. Périne Caron. Et puis aussi, il y a cette notion qui est assez surprenante quand on lit ce cours, c'est la question de l'inconscient. C'est-à-dire dans quelle mesure Manet avait-il conscience de ce qu'il faisait? Le faisait-il exprès? Qu'est-ce qu'il voulait faire exactement? La question de l'intention qui est aussi très présente dans ce travail de Bourdieu. Oui, alors ça, c'est un thème qui est compliqué à comprendre. Enfin, en tout cas, le terme ne va pas de soi. Bourdieu dit qu'il faut passer d'une esthétique de l'intention, où on pense que tout ce qui est dans un tableau a été voulu, préparé, préalablement pensé par l'artiste, et ensuite réalisé, alors qu'en fait, pour lui, il faut partir du faire, c'est-à-dire de l'action du peintre, et que souvent le peintre découvre ce qu'il veut faire en le faisant et non pas en l'ayant pensé par avance. Donc c'est par le décryptage des différents gestes, des différents stades de la composition, des repentirs. On sait que certains tableaux de Manet ont été recoupés, découpés différemment pour changer le cadrage. Il y a eu des choses effacées, des choses réutilisées dans d'autres tableaux. Donc on voit bien qu'il faut comprendre le processus même de travail du peintre et non pas le projeter a priori comme si c'était un processus purement intellectualiste. Donc c'est ce qui reproche beaucoup aux intellectuels qui parlent sur l'art, c'est qu'ils projettent sur l'artiste la façon d'écrire qu'ils ont. Ils croient que l'artiste est un écrivain. Et évidemment, l'art, ce n'est pas de l'écriture. Donc il ne faut pas projeter les manières de faire d'un quelqu'un qui écrit sur un artiste qui travaille d'une toute autre façon et dont la relation à la réalité est d'une toute autre nature que celui qui passe par l'écriture. Et comment écrivait justement quelqu'un comme Stéphane Mallarmé à la fin du 19e siècle, en 1876, dans son texte sur les impressionnistes et Édouard Manet, description d'un tableau de Manet, Le linge, par Stéphane Mallarmé. Ça nous est lu par Emmanuel Lemire. Un feuillage tendre, mais d'une couleur égale, celui d'un jardin de ville, emprisonne un flot d'air d'un matin d'été. Une jeune femme en robe bleue y lave du linge dont une partie sèche déjà. Un enfant émergeant des fleurs regarde sa mère. Tout le sujet. C'est un déluge d'air. Partout, L'atmosphère lumineuse et transparente lutte avec les formes, les vêtements, le feuillage et semble s'incorporer quelque chose de leur substance et de leur solidité. Tandis que les contours, consumés par le soleil et défaits par l'espace, tremblent, se fondent et s'évaporent dans l'atmosphère environnante, qui dépouille la réalité de ces formes, comme pour préserver par ce dépouillement même leur véritable aspect. L'air règne, suprême et vrai, comme s'il gardait cette vie enchantée que lui confère la sorcellerie de l'art. Voilà un texte, Christophe Charles, que connaissait bien, en l'occurrence, Pierre Bourdieu, ce texte de Mallarmé sur les impressionnistes et Édouard Manet. Il s'est appuyé, il a travaillé, il l'a remâché, pourrait-on dire, on va en parler avec Barbara Boach maintenant, mais il l'a remâché régulièrement pour pouvoir savoir ce qu'on disait, justement, ce que disaient ceux qui n'étaient pas des critiques, puisque c'était des écrivains qui participaient à ce mouvement « moderne », entre guillemets, à la fin du 19e siècle. Oui, il y a tout un cours, en fait, même plusieurs cours, je crois, où Bourdieu commente presque ligne à ligne ce travail, parce qu'il voulait comprendre justement quel était le regard qu'on portait en 1876. On a le regard de Zola en 1866-67, quand il y a le premier scandale autour du déjeuner sur l'herbe. Et puis, donc, 10 ans plus tard, est-ce que le regard a changé? Est-ce que ce sont les mêmes arguments? Est-ce qu'un poète voit les mêmes choses qu'un romancier, etc. Donc, c'est aussi une façon de tester cette révolution en marche, ou en tout cas, comment elle est perçue progressivement dans les parties les plus éclairées de l'opinion, les plus favorables, disons, à cette révolution. Et parce que souvent, on cite toujours les textes négatifs, les ricanements dans les critiques d'art. Et justement, l'impressionnisme a été l'objet d'énormément de sarcasmes. Mais ça ne fait que faire comprendre l'incompréhension, mais ça ne donne pas les raisons de l'incompréhension. Barbara Boach, vous êtes spécialiste de Mallarmé, et donc quand on lit un texte, quand vous lisez un texte comme celui-ci, qu'est-ce que vous y percevez justement de ces arguments? On a un autre extrait de ce texte qui évoque le moderne, on en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure, mais les arguments qui font que Mallarmé est séduit par cette peinture à la fois de Manet, mais également plus globalement de la question des impressionnistes. Alors d'abord, je crois que ce qu'on sent très bien dans le beau texte sur le tableau de linge, c'est une très grande attention en fait aux détails de la peinture, à la peinture en tant que telle. Il y a cette sensibilité évidemment chez Mallarmé, qui est effectivement un écrivain, un poète, mais qui sait regarder la peinture, et il sait d'autant mieux la regarder que il a vraiment fréquenté Manet quotidiennement. Il habitait pas très loin en fait de son atelier. L'atelier était sur le chemin du lycée Fontane, c'est-à-dire l'actuel lycée Condorcet. Et Mallarmé en fait s'est rendu dans l'atelier de Manet tous les jours pour le regarder travailler, pour discuter en fait de ce travail. Et je crois qu'il a beaucoup, appris à son contact. Il a appris à regarder encore plus attentivement cette peinture. Alors, il est sensible évidemment à ce qu'apporte de nouveau Manet, notamment cet intérêt tout à fait particulier que vont avoir ensuite les impressionnistes qui se réclameront un petit peu de ce travail, pour le plein air, la lumière de ce plein air, qui va complètement renouveler la représentation des choses. Ça, on le sent très bien. Il insiste beaucoup dans le texte qui a été lu sur l'air qui et cette atmosphère en fait lumineuse qui baigne les choses et qui leur donne de tout nouveaux aspects. Et c'est des aspects qui ne coïncident plus avec ce que recommandait de faire l'Académie, le salon, c'est-à-dire un tableau où les contours, où le dessin, le fini, justement. Le fini, bien sûr, était absolument primordiaux. Hein. Ici, on sent bien qu'il y a une déliquescence justement de ce contour, de ces formes. Au contact. Contours se fondent et s'évaporent dans l'atmosphère environnante, écrit Mallarmé. Voilà, donc il y a un renouvellement complet hein, de cette vision des choses, grâce à un regard assez immédiat, une perception immédiate comme ça de la réalité. Alors, moi, personnellement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez Mallarmé, donc il y a non seulement ce regard hein, très attentif aux choses, il parle par exemple du pollen de la chair, enfin, il y a des expressions très belles. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la manière qu'il a en fait d'envisager ce mouvement hein, qui apparaît avec Manet, mais aussi avec les impressionnistes, globalement, c'est-à-dire dans un cadre, on va dire, socio-historique et politique beaucoup plus large. Hein, il a une façon de penser les choses, les phénomènes à l'intérieur d'une société, d'une histoire qui, je pense, a beaucoup parlé à Bourdieu. Je crois que c'est ça qu'il a beaucoup, beaucoup frappé chez Mallarmé. C'est pour ça que le texte, notamment ce grand texte sur Manet et les impressionnistes de 1876, occupe une telle place, en fait, dans les cours de Bourdieu. Alors, en fait, en deux mots, ce que dit Mallarmé, c'est que l'impressionnisme, alors ça peut paraître très simple, hein, mais en fait, il y a une pensée assez élaborée de la chose. L'impressionnisme est en art l'équivalent, enfin, ou apporte en art ce qu'apporte la démocratie en politique. Et il va, en fait, opposer deux grands moments, hein, deux grands moments de l'art, qui sont aussi des moments de la politique, une espèce d'ancien régime, une période de rêve, dit Mallarmé, où les peintres seraient des sortes de visionnaires qui, dit-il, regardent les choses, la réalité matérielle, avec des yeux surnaturels. Et deuxièmement, une époque qui est celle justement des énergiques ouvriers modernes, à savoir Manet, les impressionnistes, qui vont regarder la réalité telle qu'elle est. Extrait justement de ce texte de Stéphane Mallarmé, Les impressionnistes et Édouard Manet, texte du 30 septembre 1876, donc lu par Emmanuel Lemire. En un temps où la tradition romantique de la première moitié du siècle subsiste chez un petit nombre de maîtres survivants de cette époque, la transition entre l'artiste du passé voué à l'imagination et au rêve, et l'énergique ouvrier moderne, se trouve dans l'impressionnisme. La participation d'un peuple jusqu'ici ignoré à la vie politique en France est un fait social qui honorera l'ensemble de la fin du XIXe siècle. Un parallèle se découvre dans le domaine de l'art, où la voie a été préparée par une évolution que le public, avec une rare préscience, caractérisa dès sa prime apparition du terme d'intransigeant, ce qui, en langage politique, signifie « radical », et démocratique. Les nobles visionnaires des autres temps, dont les œuvres sont à l'image des choses matérielles vues par des yeux surnaturels, non les représentations réelles des vrais objets, apparaissent comme des rois et des dieux dans les lointaines époques de rêve de l'humanité, solitaires, à qui fut donné le génie d'un empire sur une multitude ignorante. Mais aujourd'hui, la multitude demande à voir de ses propres yeux. Et si notre art moderne est moins glorieux, moins intense et moins riche, ce n'est pas sans la compensation de la vérité, de la simplicité et du charme natif. Voilà pour cet extrait du texte de 1876 de Stéphane Mallarmé sur les impressionnistes et Manet, Perrine Cabron. Oui, on a l'impression, quand on entend ce texte, Barbara Bois, que finalement, Stéphane Mallarmé se fait l'interprète de la peinture de Manet. Alors, est-ce qu'il se fait l'interprète malgré Manet? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'il a envie d'y voir, ce qu'il a envie d'en tirer, ce qu'il a envie d'en dire? Est-ce que finalement, quand on voit que ce soit sa description ou cette interprétation, la façon dont les intellectuels, alors est-ce que ça peut s'appliquer à Bourdieu aussi, dont les intellectuels s'accaparent finalement le travail des peintres pour y plaquer des idées, pour y plaquer des visions et pour se les approprier complètement? Alors bon, c'est un procès qu'on peut toujours leur faire, un procès d'intention. Il faut se poser la question, je crois que c'est tout à fait salutaire de le faire. Néanmoins, ce que je dirais à partir de ce texte, de cette analyse, c'est qu'en fait, c'est pas là une idée complètement neuve et originale. Beaucoup de gens la partagent. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on va appeler ces impressionnistes des intransigeants, hein, ce que souligne Mallarmé. Parfois, on les appelle les communards, les garibaldiens. Enfin, il y a une vision quand même à l'époque qui consiste à mettre en parallèle ce mouvement de l'impressionnisme, et des mouvements politiques, en fait, hein, qui vont promouvoir, qui vont essayer de défendre le peuple et puis promouvoir la démocratie. Hein. On est au moment où Mallarmé écrit ce texte, la Troisième République s'installe, hein, donc on est vraiment dans cette démocratie qui est en train de s'ancrer. Hein. Et donc, en fait, ce que fait Mallarmé, c'est qu'il prend cette idée assez simple et il va simplement l'élaborer un petit peu en ouvrant justement le panorama et en essayant de tisser un petit peu tout ensemble. Et notamment, pour revenir un tout petit peu, hein, parce que je voudrais juste éclairer un tout petit peu les termes qu'il emploie, lorsqu'il parle, hein, de ce regard surnaturel que les artistes portent sur les choses, hein, que ces artistes qu'il décrit comme des visionnaires portent sur les choses, il pense en fait à tout l'art ancien qui était évidemment très imprégné de toutes les règles académiques, hein, et qui respectait bien sûr une certaine hiérarchie des genres. Et dans cette hiérarchie des genres, qu'est-ce qu'on avait au sommet ? On avait la peinture religieuse et la peinture mythologique en particulier. Donc, que représentaient les peintres au fond ? Ils représentaient les choses réelles, mais sous l'aspect de Dieu, sous l'aspect de héros, de la mythologie. Et ça, c'est une espèce de vision qu'ils vont imposer à la foule. À la foule ignorante, hein, dit-il, ils vont imposer cette vision à la foule par le biais en particulier d'institutions comme l'Académie précisément, le Salon, etc. Et il oppose donc ces visionnaires, hein, qui fonctionnent un petit peu comme des sortes de roitelets, hein, qui forcent les gens à adopter cette vision un petit peu surnaturelle, il va les opposer aux impressionnistes qui sont en fait des sortes d'intermédiaires purs, des intermédiaires impersonnels entre la foule et la foule. C'est-à-dire que les impressionnistes, pour lui, révèlent la foule à elle-même en lui présentant quoi ? Eh bien, simplement des images contemporaines, des images des rues, hein, des images des contemporains, hein, avec leurs habits, hein, de l'époque, avec leurs passions, avec tout ce qui les préoccupe. C'est précisément en faisant abstraction de leur personnalité que ces peintres impressionnistes vont pouvoir d'autant mieux, justement, hein, révéler finalement à la foule, hein, sa personnalité multiple, dit Mallarmé, sa beauté aussi. Alors, c'est très intéressant de voir, Christophe Charles, et c'est ce que voyait aussi Pierre Bourdieu dans l'œuvre de Manet, et plus largement de ce mouvement qui dynamite l'art, cette révolution, cette tension entre révolution d'un côté et ce qu'il appelle le populisme spontané. Pour lui, le populisme spontané, c'est la réaction que beaucoup ont eue devant cette révolution symbolique. Et de l'autre côté, il y a la révolution. Comment peut-on justement articuler l'un et l'autre dans cette fin du 19e siècle, vu par un homme de la fin du 20e siècle qui était Pierre Bourdieu, Christophe Charles? Oui, je crois que ce que vient de dire Barbara Boac, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ces révolutionnaires sont incompris, enfin, sauf par des esprits un peu avancés comme celui de Mallarmé, et il faut qu'ils apprennent au public à comprendre. Et le public, lui, il est dans ses habitudes, on lui a fait voir ses tableaux traditionnels, donc il pense que c'est ça la vraie peinture, et il ne comprend pas cette nouvelle peinture. Et en même temps, les journalistes font chorus, et c'est ça que Bourdieu désigne par le populisme, c'est-à-dire que le journaliste, il doit être à la remorque de son public, enfin en tout cas dans la conception de l'époque, et donc il va en rajouter pour se moquer de ces peintres qui ne font pas comme tout le monde, qui présentent des sujets qui n'ont pas de sens, etc. Donc il y a cette complexité de lutter à la fois contre l'opinion de base qui est ignorante, mais il y a aussi un ralliement et un soutien par la masse de la presse de l'époque qui encourage le public à ne pas comprendre au lieu de lui expliquer. Et donc le travail des écrivains qui, eux, soutiennent Manet et les impressionnistes, c'est à la fois d'une part d'expliquer pourquoi les journalistes ont tort, pourquoi la foule pourrait justement s'approprier cette peinture, parce que c'est une peinture qui, selon eux, correspond beaucoup mieux à l'époque d'aujourd'hui et aux attentes de la foule, et que les héros, la mythologie, tout ça, c'est du passé, ça n'a aucun intérêt, on ne voit pas pourquoi la foule d'aujourd'hui s'intéresse à la mythologie. Donc, il faut qu'il fasse un double combat contre le conformisme du public plus le conformisme de la presse qui le renforce. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Donc, il y a à la fois une lutte pour défendre des idées nouvelles et en même temps contre le populisme qui est une espèce de fausse voie pour comprendre. Vous qui êtes un spécialiste en tant qu'historien, Christophe Charles, de cette fin du 19e siècle et de la culture et des intellectuels de la fin du 19e siècle, est-ce que vous ne percevez pas quelquefois un biais que l'on peut avoir aujourd'hui vis-à-vis de ces impressionnistes avec cette idée qu'ils auraient été profondément incompris avant d'avoir du succès plus tardivement, profondément incompris. Quand on travaille plus précisément, on voit bien que très rapidement, même s'ils sont, raillés par beaucoup, ils ont des amateurs qui les achètent, ça n'est pas encore la fortune, mais assez rapidement. Et puis surtout, ils ont des réceptions de leurs œuvres qui sont totalement différentes selon les espaces. Vous qui travaillez en histoire comparée, Christophe Charles, les Américains, les Allemands, les Italiens, les Belges ou les Anglais n'ont pas la même réception des œuvres des impressionnistes que les Français de l'époque, en l'occurrence. Oui, alors justement, ça a été des travaux qui ont été faits dans les dernières années que Bourdieu n'a pas pu lire parce qu'évidemment, il avait écrit ça avant, où on a montré effectivement que les fractions qui commencent à s'intéresser aux impressionnistes ont des caractéristiques assez particulières. C'est des gens de la bourgeoisie puisqu'ils ont quand même de l'argent, mais qui justement ne sont pas produits par cette culture traditionnelle, qui souvent sont des hommes nouveaux, des parvenus, mais qui n'ont pas forcément envie d'imiter leurs prédécesseurs, puisque les grands banquiers, les grands aristocrates du 1er 19e siècle, eux, achetaient la peinture dominante. Donc, c'est aussi une façon de se distinguer. Donc là, on retrouve un thème bourdieusien, la distinction en choisissant d'autres artistes que ceux qui sont dominants. Et puis, effectivement, il y a un décalage selon les pays, tout simplement parce que la France est sans doute le pays où le classicisme et l'académisme a eu le plus de poids. Enfin, depuis Louis XIV, depuis la monarchie. Ensuite, ça a été remis en place avec Napoléon et la Restauration. Donc, en France, il y a vraiment un art officiel, ou en tout cas un art soutenu par l'État, et l'État considère que c'est de son devoir de défendre cet art, de le transmettre, de le reproduire, alors que dans d'autres pays, il y a beaucoup plus de liberté relative. Enfin, en tout cas, en Angleterre, il n'y a pas ce système académique aussi pesant. Il y a des peintres qu'on peut considérer comme précurseurs des impressionnistes, comme Turner, qui sont tout à fait reconnus, admis, achetés dans les meilleurs milieux dès la première partie du 19e siècle. Donc on voit bien que la France, d'un certain point de vue, qui se prétend la capitale de l'art, en tout cas Paris se prétend la capitale de l'art, est en même temps un lieu très conservateur par certains aspects. La capitale du conformisme. Et où les révolutionnaires ont peut-être plus de mal qu'ailleurs à se faire reconnaître, et ils vont se faire acheter parfois, effectivement, d'abord en Allemagne, en Russie. Courbet aura beaucoup de succès en Allemagne. On sait que les avant-gardes du début du XXe siècle auront beaucoup de succès en Russie. Donc on voit bien qu'il y a aussi un espace européen qui n'est pas totalement homogène. Périne Caron. Oui, puis il y a aussi peut-être cette question du malentendu qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on pense à Mallarmé, bien sûr, il y avait cette grande complicité, ce cheminement parallèle entre Mallarmé et Manet, mais quand on pense à Zola, par exemple, au départ, Zola est un grand défenseur de Manet, puis au fur et à mesure du temps, ça change. Donc il y a aussi cette question de est-ce que le discours des intellectuels, pour Zola, aussi, c'est un moyen d'arriver à ce qu'il veut, il l'utilise aussi. Au début, il y a une utilisation mutuelle de Manet et de Zola, et puis finalement, Zola, après, se détache de Manet. On se fait la courte échelle mutuellement. Le temps qu'on en a besoin. C'est pas tellement de Manet qui se détache, c'est de Cézanne, en fait. Ouais. C'est plus grave parce que c'était un ami d'enfance. Barbara Boach, sur ces questions. Il sera quand même aux obsèques de Manet, il fera l'éloge de Manet. Donc je crois que c'est plutôt sur Cézanne qu'il y a eu un malentendu entre Zola et... Cela dit, il y a quand même une petite ambiguïté. C'est vrai que quand on lit les textes de Zola au fil du temps, il y a quand même une évolution. Et si on regarde, par exemple, le texte qu'il a écrit juste après la mort de Manet, Manet, donc au moment de la grande exposition Manet 1884. Il y a une célébration, mais il y a quand même quelques réserves sur les faiblesses. Alors c'est un petit peu, comment dire, retors dans la formulation, parce qu'il dit il y a des lacunes, il y a des faiblesses, mais justement c'est ce qui fait le charme de Manet, il sait très bien s'en servir pour. Voilà, donc il y a des réserves, et il y avait des réserves aussi, bien sûr, sur un certain nombre d'impressionnistes. Cela dit, il faut un peu faire la part des choses. Je crois que Zola était un petit peu, très repoussé par tous les suiveurs des impressionnistes, par tous ceux qui n'étaient pas les grands représentants du courant, qui imitaient un petit peu les autres. Et je pense qu'il y a aussi cette part peut-être de détestation pour un art de suiveur. Mais c'est vrai qu'il va insister constamment sur le fait que, d'abord, le grand génie impressionniste n'est jamais venu. Il n'y a pas de chef-d'œuvre et il y a toujours quelque chose d'un petit peu incomplet. Ça, c'est notamment vers ces années 80, il va avoir ces réserves qui sont évidentes. Alors, ça le mérite en tous les cas, cette explosion, cette révolution symbolique dans la foulée de Manet, l'explosion des impressionnistes, ça le mérite de poser des questions à la société et à ceux qui réfléchissent. Vous avez, on a sous les yeux un texte de Théodore Duret. Qui était Théodore Duret? On va le faire lire à Emmanuel Lemire tout de suite. Mais qui était Théodore Duret? Parce que ce qu'il dit dans cet extrait de texte est très intéressant. Vous pouvez nous présenter très brièvement, Barbara Botch. Théodore Duret, C'est un critique qui est l'auteur notamment d'une grande notice sur les impressionnistes. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a rencontré Manet en Espagne en 65 et qui ensuite s'est passionné pour les arts d'Orient notamment, où il est allé faire des voyages, etc. Il a défendu les impressionnistes et Manet dès le début dans des très beaux textes. Extrait donc d'un des textes de Théodore Duret, lu par Emmanuel Lemire. On a discuté longuement pour savoir jusqu'à quel point le public était capable de juger par lui-même les œuvres d'art. On peut concéder qu'il est apte à sentir et à goûter lorsqu'il est en présence de formes acceptées et de procédés traditionnels. Le déchiffrement est fait, tout le monde peut lire et comprendre. Mais s'il s'agit d'idées nouvelles, de manière de sentir originale, si la forme dont s'enveloppent les idées, si le moule que prennent les œuvres sont également neufs et personnels, alors l'inaptitude du grand public à comprendre et à saisir d'emblée est certaine et absolue. La peinture, qui, pour être comprise, demande une adaptation de l'organe de l'œil et l'habitude de découvrir sous les procédés du métier les sentiments intimes de l'artiste, est un des arts les moins facilement accessibles à la foule. Extrait d'un texte de Théodore Duret, justement sur les impressionnistes. On voit bien qu'il y a dans cette dimension aussi, sociologiquement ou historiquement parlant, Christophe Charles, cette notion de foule qui revient à plusieurs reprises. On sait que c'est le moment où certains penseurs français vont élaborer des psychologies de la foule, la peur de la foule. Et là, on voit bien qu'il y a la question de l'élite, de la foule, de ceux qui comprennent, de ceux qu'il faut apprendre. On est aussi dans la mise en place de l'école obligatoire et dans toute cette mise en place de la République qui veut enseigner le savoir et la connaissance, donc transmettre le savoir et la connaissance. Je ne sais pas quelle est la date du texte, je crois que c'est même antérieur. C'est un peu antérieur, oui. Ouais. Oui, en fait, ce n'est pas simplement une métaphore. Enfin, en tout cas, je crois que c'est lié au fait que les salons, c'était 300 000 personnes. Enfin, c'était quand même une vraie foule. C'était pas, oui, il n'y a pas simplement la métaphore. C'était comparable aux grandes expositions du Grand Palais aujourd'hui, quand il y a des artistes très consacrés qui sont là. Il y a des queues énormes. Les impressionnistes, justement. Oui, mais à l'époque, c'était pour des artistes contemporains, ce qu'on ne voit pas tellement aujourd'hui dans les galeries. Enfin, un peu moins de quolibets aujourd'hui. Voilà. Périne Cavran. Oui, puis il y a peut-être cette question aussi qui se posait, alors peut-être aux artistes aussi, c'est-à-dire à quel point les gens sont prêts à recevoir ce qu'on propose de nouveau, et puis à quel point aussi on peut se draper dans la figure de l'artiste rejeté, de l'artiste maudit, à quel point aussi ça peut être utile, en tout cas pour démarrer. Pour Monet, par exemple, ça a été utile au départ. Oui, enfin, je sais pas, il y a des gens qui aiment bien recevoir des insultes, mais c'est quand même moins fréquent que des gens qui aiment recevoir des compliments. Bien sûr, une fois qu'on reçoit les insultes, on peut essayer de les utiliser. Oui, on retourne le stigmate en emblème, mais enfin, bon, ça C'est ce qu'a dit Baudelaire, par exemple, à Manet. Manet qui souffrait énormément. Hein, oui, lui, il n'appréciait pas les insultes. Non, il n'appréciait pas beaucoup les insultes. Mais ce que lui dira Baudelaire, c'est au contraire, vous devriez ressentir ça comme un honneur, justement, être distingué, bon, évidemment, par cette foule. Évidemment, dont il se méfiait beaucoup, et c'est un peu un euphémisme. Hein. Donc, il y a une ambivalence, de toute façon, à l'égard de la foule chez ces auteurs qui écrivent sur Manet. Oui, parce qu'il faut se rappeler qu'après la Commune, beaucoup des intellectuels vont avoir peur de ces foules, foules révolutionnaires, foules qui peuvent mettre à bas des régimes, qui peuvent brûler les bâtiments publics, etc. Donc, il y aura aussi cette dimension-là. On sait combien certains des écrivains qui étaient pourtant les plus avancés de l'époque se sont retournés contre les révolutions de ce moment-là. Donc, il y a cette dimension très ambivalente, Christophe Charles. Oui, enfin là, je crois qu'il faut peut-être pas non plus mélanger les époques, mais je crois que c'était surtout l'idée qu'il allait faire un travail de pédagogie extrêmement long. Et alors vous avez cité l'école obligatoire, c'est vrai, mais comme on le sait, l'école obligatoire n'a pas été très bonne pour enseigner l'art ni le transmettre. Enfin, en tout cas, ça faisait pas vraiment partie des priorités de l'époque dans les programmes. Et du coup, il fallait trouver des relais, il fallait trouver des alliés. Donc, c'était aux écrivains ou aux artistes quand ils écrivaient de faire la pédagogie de leur art. Et c'était ça. Et il y avait quand même le mur de la presse, parce que la presse était extrêmement conformiste. Et quand Zola a publié ses articles favorables à Manet, il s'est fait jeter dehors et on l'a interdit de presse après. Donc, c'était pas simplement symbolique. On était dans des problèmes de rapport de force et de lutte pour la visibilité et pour la capacité de faire entendre ce qu'on voulait faire entendre. Et quand avez-vous l'impression, vous qui avez travaillé sur cette fin de siècle, Barbara Boatch, que le combat est gagné? Est-ce que vous sentez qu'à un moment, eh bien, les stigmates justement se retournent et qu'au bout du compte, on a plus de plaisir à se dire impressionniste ou successeur de Manet que de coups à prendre d'une certaine façon? Bon, c'est un peu difficile de dater très précisément, mais justement, quand on lit des textes comme ceux de Zola, on sent bien, hein, il fait des bilans à un moment donné. Et en 1880, même si on peut toujours le soupçonner un petit peu d'être trop optimiste, mais autour de 1880, ce qu'il constate justement, c'est que cette éducation a été en partie faite, hein, et que maintenant, les gens ne rient plus, hein, ne rient plus devant ces tableaux, et qu'au contraire, il y a un certain nombre de... ces tableaux sont entrés en fait dans le paysage. Christophe Charles. Je crois que le tournant, c'est à la fois le débat autour du legs Caillebotte, là, quand Caillebotte veut léguer une partie de sa collection à des musées pour que justement ses amis impressionnistes entrent au musée et que finalement, même s'il n'y a pas tout le legs n'a pas été accepté, il y a quand même un certain nombre de tableaux qui sont entrés, donc c'est quand même à consécration. Et puis il y a l'exposition de 1889 où il y a le grand bilan de l'art français, et là on voit que le public va voir les impressionnistes et ça fait partie maintenant de la peinture. Enfin, c'est plus rejeté comme n'étant pas de la peinture. Merci à tous les deux. On peut citer de vous, Barbara Boatch, le travail sur Mallarmé et l'esthétique du quotidien. C'est paru chez Classique Garnier. Voilà. Et puis évidemment, le gros livre de Pierre Bourdieu, donc Manet, une révolution symbolique, donc aux éditions du Seuil dans la collection Raison d'agir, cours et travaux. Vous vouliez dire un petit mot d'un nouveau site qu'il faut aller voir, selon vous, en l'occurrence Christophe Charles? Oui, donc je voulais signaler qu'il y a justement une jeune équipe qui travaille à l'École normale supérieure, qui a fondé un site qui s'appelle Artlas, donc contraction du mot art et du mot atlas, parce qu'elle entreprend de faire une géographie de l'art, et en particulier de l'art moderne et contemporain. Au 19e, 20e siècle. Voilà, et donc on peut consulter dessus la carte des galeries de peinture à Paris, la carte de circulation des expositions de tel ou tel peintre dans l'Europe de l'époque, et puis des études sur les marchands de tableaux, sur enfin toutes sortes de choses. C'est très bien fait. Et ça donne beaucoup de documentation et beaucoup d'informations sur tout ce domaine qui est en plein renouvellement. On mettra ça sur le site de France Culture. Si vous voulez donc écouter ou réécouter l'émission, n'hésitez pas à aller sur notre site, justement. L'émission était préparée comme d'habitude par Claire Maillot et Aurélie Marseille. Les lectures étaient assurées par Emmanuel Lemire, à la technique d'Alia et à la réalisation Véronique Samuilov. Nous continuons demain en travaillant sur le post-impressionnisme. L'après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà.